بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في دراسة التوحيد. Donc c'est notre quatrième rencontre autour de l'étude du Tawhid. فأهل السنة والجماعة الفوقية عندهم، وهي أن الله فوق كل شيء ومحيط به سبحانه وتعالى. وهذه الفوقية، فوقية الله سبحانه وتعالى وعلوه سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في كيفيتها، لأن الأمر هذا أمر لا تستطيع عقول البشر أن تدركه. كيفية صفات الله لا تستطيع عقول البشر أن تدركه، فلا ندخل أنفسنا في متاهات وطراهات الفلاسفة، فنقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيما يخص صفات الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, c'est il est élevé au-dessus de tout comme il sied à sa grandeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala cerne tout, il sait tout, sa science, sa capacité, sa puissance, etc. n'a pas de début, n'a pas de fin, il n'a pas de limite. Donc en ce qui concerne l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons nous arrêter là. Où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Là où les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam se sont arrêtés, ceux qui les suivent à la perfection. On ne s'immisce pas dans le comment des attributs d'Allah. On ne cherche pas comment sont les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne cherche pas comment il est d'Allah, ni comment il est la main d'Allah, ni comment il est le pied d'Allah, ni comment il est le visage d'Allah, ni comment il est Allah, subhanahu wa ta'ala, est élevé, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il descend, comment Allah, subhanahu wa ta'ala, y agit. Tout ça, on ne cherche pas le comment. La signification d'Yel le magie, il est connu dans la langue arabe. La signification de la descente, tout le monde sait ce que c'est que descendre. La signification du visage, tout le monde sait ce que ça fait, ce que c'est qu'un visage. Mais en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on ne peut, on peut penser, on peut imaginer, Allah est au-dessus de tout ça. فتخيل انت معي الآن الفوقية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. نحن نفهم الفوقية في كلامنا شيء فوق شيء، هكذا شيء فوق شيء. واحد يتساءل الآن ويقول الأرض كروية أم بيضوية، على شكل بيضة ولا على شكل كرة؟ والذي يكون في الجهة الأخرى من الأرض يكون هكذا، ها؟ والذي يكون في القطب الجنوبي يكون كيف؟ تحت. هذا الذي نتصوره نحن بعقولنا. Maintenant imagine avec toi l'élévation que les hommes de science et ceux qui sont unanimes sur la sunna, cette élévation, comment ils la reconnaissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on comprend nos élévations, c'est quelque chose sur quelque chose, au-dessus de quelque chose, comme ça. La question peut se poser, est-ce que la terre elle est en forme d'œuf ou elle est en forme de ballon? Et dans ces cas-là, sur le côté droit ou sur le côté gauche, comment ça va être l'élévation? ça va être quelque chose de penché comme ça, selon notre vision à nous, comme ça. Hein? Et quand celui qui est au pôle sud, hein, comment ça va être? Le ciel, il va être en bas de lui ou là sur lui? Quand tu visionnes comme ça avec notre esprit, donc il est évident qu'on va s'égarer. Mais quand il s'agit de l'élévation de Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, enlève tout ce qui passe dans ton esprit. Que tu sois au pôle sud ou là au pôle nord, le trône d'Allah et Allah est élevé au-dessus de toi tout le temps, là où que tu sois. Que tu sois à l'est de la planète, là à l'ouest de l'autre côté, il sera toujours Allah subhanahu wa ta'ala sera au-dessus de toi et élevé au-dessus de tout. Hein? Donc l'élévation, tu ne la vois pas selon nous, notre conception à nous. Hein? Maintenant, prends un exemple, un pilote qui fait, comment on appelle ça les exercices dans le ciel? De l'acrobatie, hein? Maintenant, quand il tourne son avion et que sa tête il est en bas, est-ce que le ciel reste toujours au-dessus de lui ou là, c'est autre chose? Est-ce que la terre est en bas de lui ou là, il est en haut de lui? Hein? Toujours. Barakallahu fik. L'élévation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Où que nous soyons, n'importe quelle soit la position. Allah est au-dessus de tout. Ahlu sunnah wal jama'a, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din, sahabatu rasulillah, wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din, yu'minuna bi asma'illah wa sifatillah azza wa jal, biduni takyif, wa la tamtil, wa la tashbih, wa la ta'til, wa la ta'wil. Les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et alors peut-être les compagnons de Mohammed a.s. et ceux qui les suivent à la perfection, croient en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans chercher le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire des similitudes à Allah subhanahu wa ta'ala, sans donner des exemples à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire la négation des noms et des attributs d'Allah, sans donner des fausses interprétation ou des fausses définitions au nom et attribut d'Allah. Et c'est comme ça que nous devons être. والعلماء رحمه الله قديما وحديثا يقولون أن العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. Et les hommes de science, les anciens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, et les nouveaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et nous fasse profiter de leur science, et disent que la raison saine va de pair avec les textes authentiques. يعني ما دام العقل سليما فلا يتعارض مع نقل صحيح وما دام النقل صحيحا فلا يتعارض مع عقل سليم ابدا. Cela veut dire que tant que la raison est saine, il va pas y avoir d'opposition entre une raison saine et un texte authentique. Et tant que le texte est authentique, il n'y aura pas d'opposition entre le texte authentique et la raison saine. Jamais de la vie. فديننا موافق للعقول السليمة. أما العقول السقيمة فهذا إنما العيب فيها. فإذا تعارض العقل مع النقل الصحيح فالعيب في العقل لا في النص. العيب في العقل لا في النص الصحيح. Donc notre religion va de pair avec les raisons saines, une raison qui est saine, épargnée des ambiguïtés. La religion va de pair avec, et cette raison saine va aller de pair avec cette religion d'Allah Azza wa Jalla. Quant aux raisons qui sont malades, qui sont atteintes d'ambiguïté, le défaut n'est pas dans les textes, le défaut est dans cette raison-là. Et quand on a une opposition entre la raison et le texte authentique, le défaut il n'est pas dans le texte, mais le défaut est dans la raison. Il n'est pas dans le texte. Tant que le texte est authentique, il est authentique pas selon ta vision, akhal islam, il est authentique selon les hommes de la spécialité, les hommes du hadith. أما إذا كان العقل السليم يتعارض مع نص لا يعلم ثبوت ذلكم النص أو هذا النص ثابت أو غير ثابت، فقد يكون النقل غير صحيح من أصله. فإذا تعارض العقل مع النقل فإما أن يكون العقل غير سليم أو النقل غير صحيح. Et donc, des fois, il peut y avoir une opposition entre la raison saine et un texte, parce qu'on ne sait pas si ce texte il est authentique ou là, il ne l'est pas. Donc, dans ces cas-là, il se peut que le texte soit authentique, donc le défaut est dans la raison. Il se peut que le texte ne l'est pas, est un texte inventé et qu'il ne faut pas prendre en considération. Hein? Donc, le défaut, il est en quoi? Dans le texte, dans ces cas-là. Le texte, on ne peut pas le prendre en considération parce qu'il n'est pas authentique. Il n'est pas valide. Mais qui rend authentique et pas authentique, ce sont les gens de la spécialité, hein, les spécialistes du hadith et de la sunna des prophètes, alayhi salatu salam. Enfin, quand le hadith est authentique, et la raison est saine, ils vont de pair. Il n'y aura pas d'opposition entre eux. Mais quand la raison est saine et le hadith n'est pas authentique, il est évident qu'il va y avoir un clash. Mais quand le hadith il est authentique et la raison n'est pas saine, il est évident qu'il va y avoir un clash aussi. Le clash, il vient de l'une des choses. Soit le défaut est dans la raison, soit le texte en elle-même, en lui-même, il n'est pas valide et la raison, elle est saine. فعندما نقول ونحن نعيش في هذا الكون وهو مكون من سبعة أراضين وسبع سماوات أرض كل أرض فوقها أرض وكل سماء فوق السماء التي تليها نأتي إلى جهة الفوقية فتحيط بنا السماء من كل جهة السماء الأولى التي هي سماء الدنيا فوق كل بشر أينما ذهبت ذهبت إلى الشرق تكون فوقك ذهبت إلى الغرب تكون فوقك ذهبت إلى الجنوب تكون فوقك ذهبت إلى الشمال تكون فوقك إلى أمريكا أو إلى المغرب فستجد دائما السماء فوقك ذهبت إلى الصين أو إلى الهند فستكون السماء فوقك ذهبت إلى القطب الجنوبي أو القطب الشمالي فدائما السماء فوقك. فإن الله عز وجل quand on parle de du haut, ce que c'est qu'être en hauteur, dans cet univers qui est composé de sept cieux et de sept terres, donc chaque terre entoure celle qui est en bas d'elle, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la septième terre, au fond de la terre. Hein? Et au niveau des cieux, c'est la même chose. Le premier ciel de la vie entoure les sept terres, et le deuxième de ciel de la vie va être ainsi, etc., jusqu'à on arrive au septième ciel. Et quand on arrive, pour ce qui concerne l'élévation, n'importe comment, ce ciel qui est le toit de la terre, quand tu vas à l'est, celui-là que tu vas à l'ouest, il va être toujours sur toi, au-dessus de toi. Tu vas au pôle nord ou au pôle sud, il sera toujours au-dessus de toi. Que tu sois aux États-Unis ou là, au fin fond de l'Afrique, le ciel sera toujours, le ciel de la vie sera toujours au-dessus de toi. N'importe où tu vas. فَحَيْتُمَا مَشَيْتَ عَلَى هَذِي الْأَرْضِ الْأُولَى السَّمَاءُ فَوْقَكْ وَمُحِيطَةٌ بِكْ من كل جانب فما يوجد إنسان عندما يقال يسأل أين السماء يشير إلى الجانب كل يشير إلى الفوق وما يوجد إنسان عاقل يسأل عن السماء ويشير إلى الأسفل مع أنه يرى السماء في الأفق أمامه ومع ذلك يشير إلى فوق الله عز وجل لو تيفا نمبورت كومون تي مارش سور سيت تير Le ciel sera toujours sur toi et te cernera et cerne la terre sur laquelle tu vis. Il l'entoure. Hein? de tous les côtés, il ne se trouve pas sur terre un être humain doué de raison, quand tu lui poses la question où il est le ciel, de te montrer le côté. Il est là. Ni il va te montrer, tu lui poses la question où est le ciel, il va faire le signe vers le bas. C'est impossible. Alors qu'il voit devant lui à l'horizon que le ciel, il est en face de lui. Hein? Il le voit à l'horizon. Mais jamais, par sa fétrate, ce qui est inné en lui, il va te dire le ciel est en face. Il va toujours lever la main vers le ciel, vers le haut, tout le temps, où qu'il soit. مع ذلك أن هذا الذي هو الأفق أمامي فإذا مشيت سيكون فوقي إذا أنا سرت فوق الأرض فهذا الذي هو أمامي سيكون فوقي فلا التقاء بين السماء والأرض فحيثما ارتحلنا فالأرض من تحتنا والسماء من فوقنا. Donc, et malgré tout ça, quand on marche sur terre, ce qui a été mon horizon et que je voyais en face de moi va devenir sur moi quand j'y arrive. Hein? N'importe comment tu marches, hein? Tu vas toujours te retrouver avec le ciel, il est sur toi, au-dessus de toi. Hein? Il n'y a pas de liaison, de point d'intercession entre le ciel et la terre. N'importe dans quelle direction, n'importe comment tu marches sur terre, le ciel toujours, sera toujours sur, au-dessus de nous. فتخيل معي الآن هذا. Imagine avec moi maintenant cet univers dans lequel nous vivons et que nous ne captons même pas la grandeur de l'univers dans lequel nous vivons. On est la septième terre, disent les hommes de science, c'est le cœur, il est en bas. Cette terre est entourée de la sixième, qui elle-même, avec la septième, sont entourées de la cinquième. Et cette cinquième, avec la sixième et la septième, sont entourées de la quatrième. La troisième terre va venir, il va entourer et toutes les terres. La deuxième va faire de même et la première sur laquelle on est, va entourer tout, les six autres terres. D'accord? Après arrive le septième ciel, le premier ciel de la vie. Ce ciel, la distance qu'il y a entre la terre sur laquelle nous vivons et le premier ciel qui est le ciel de ce bas monde, Dunya, il y a une distance, comme il a dit le prophète, de 500 années de marche. Masiratu 500 sana. Cherche quelle mesure tu dois utiliser. Allahu ta'ala alam. Et donc ce premier ciel de la vie, il entoure les sept terres. D'accord? Vient après le deuxième ciel, et ce deuxième ciel va entourer le premier ciel qui lui-même entoure cette terre. Et la distance est identique, 500 années. La distance est de 500 années. Le troisième ciel va être du même, il a la même distance. Le quatrième ciel, la même chose, il va entourer le troisième ciel, le deuxième ciel, le premier ciel et les sept terres. Toujours avec la même distance. Le quatrième, la même chose. Le cinquième et le sixième et le septième. La même chose. Quand on arrive au septième ciel, il entoure les six cieux et les sept terres. Déjà, rien que cet univers, nous sommes perdus. La grandeur de cet univers, et on est perdu. Maintenant, on arrive à Al-Kursi, qui est le piédestal, qui est autre chose que le trône. Le piédestal, il entoure les sept cieux et les sept terres. Et ce n'est qu'un parmi les petites créatures d'Allah. Un parmi les petites créatures d'Allah. Et ce piédestal, qui est le kursi, entoure les sept cieux et les sept terres. Qu'est-ce qu'il en est du trône? Qui est au-delà de tout ça. Et beaucoup plus grand que... que le piédestal. Les sept cieux et les sept terres avec le piédestal par rapport au trône d'Allah, c'est comme un anneau de fer jeté dans un désert. D'accord? Alors, imagine, comment on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher? Les créatures, on n'arrive pas à la cerner. cet univers dans lequel on n'arrive pas à cerner. Comment cerner Allah? Comment prétendre connaître Allah? Comment prétendre donner des aspects qui ne sient pas Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? On est perdu dans l'univers. On ne sait pas sa grandeur, comment il est. Hein? Donc Allah est au-dessus de tout ça. Tu rajoutes autre chose. Il est dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salam de nous parler d'un ange. Parce qu'il y a des choses que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à son prophète de nous les citer par peur d'être choqué, de ne pas savoir comment faire. Cet ange, ses pieds sont enfoncés dans la septième terre. Il est en forme de coque et sa tête est pliée sur le trône d'Allah. Ses pieds sont au fin fond de la septième terre et sa tête est pliée sur le trône d'Allah. Adam, c'est une créature. Hein? Rappelle-toi aussi de la description de Jibril. Allez, salat ou salam. Six cents ailes qui couvrent l'horizon à perte de vue. Adam, ce sont juste les créatures d'Allah. C'est pour ça, tout ce qu'on peut imaginer vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal, Il faut couper court. On ne peut pas imaginer comment sont les attributs d'Allah. Hein? On ne peut pas. Hein? Et c'est la grandeur de cet univers qui est créé par Allah Azza wa Jal te prouve l'immensité et la grandeur d'Allah Azza wa Jal qu'on ne peut pas capter avec nos raisons. Enfin, le kursi est makhlouq. وهو دون العرش والعرش أجل منه وأكبر منه فنحن الآن نتكلم عن عالم لا يدرى منتهاه ولا يدري منتهاه إلا الله عز وجل وكلامنا فقط في المخلوقات فتهنا donc le pédestal ce n'est qu'une créature d'Allah et c'est autre chose que le trône hein. Nous sommes en train de parler d'un monde et d'un univers qu'on ne peut même pas capter. On est perdu hein, devant l'immensité et la grandeur de ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il en est d'Allah? يقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. On coupe court pour ne pas être perdu. Qui nous donne la règle pour sortir de toute forme d'ambiguïté et de toute forme de doute ou quoi que ce soit? ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى il te donne la règle pour maîtriser tout ça. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui voit. Et l'affaire est réglée. Et tu es clair dans tes croyances. Tu es clair dans ce que tu dois reconnaître à Allah عز وجل. Et ce que tu dois attribuer à Allah سبحانه وتعالى. Et tu marches sur cette règle là en pour tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, tu es tranquille dans ta vie. Et tu es sur la voie de ton prophète alayhi salam et la voie de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. فالله عز وجل في هذا العلو المطلق يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهما وما فوق ذلك وما دون ذلك. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette élévation au sens large du terme. Cette élévation qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Hein? C'est ce qu'il y a et ce qui se passe à chaque instant et à chaque moment sur. Rien ne lui échappe de ce qui se passe dans les cieux, les sept cieux. Rien ne lui échappe hein, en ce qui concerne les sept terres. Rien ne lui échappe. Il sait même et il entend le bruit durant la nuit. Ténébreuse et pleine de pluie, le bruit de la petite fourmi qui réside au fin fond de la terre ou là dans une caillasse. Tu vois, peut-être tu as même des fourmis sur le toit de ta maison et tu ne sais même pas où ils sont et tu ne sens même pas et tu n'entends même pas leur bruit. Hein? Rien ne lui échappe. Le moindre petit grain au fin fond de l'océan, hein? Ténèbres sur ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala sait le nombre, ce qu'il y a dedans. Hein? La moindre petite feuille qui descend, qui tombe, et le nombre de feuilles qui tombent pendant le temps, elles sont nombreuses. Et à chaque moment où il y a des vents, Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur nombre. Vas-y, essaye de compter. Essaye de compter que ce qui tombe dans une allée de rennes. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas fatiguer et te lasser tout de suite. Au-delà de rennes, est-ce qu'il y a, hein, dans le septième terre, la sixième terre, tous les cieux, etc. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ça. Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتوحيد الأسماء والصفات أمره أمر عظيم وهو مهم جدا فإثبات الفوقية لله عز وجل عند أهل السنة والجماعة لا يعني تجسيم الله عز وجل ولا يعني أن الله منحصر في مكان أو منحاز لمكان وعندما يقولون الله على العرش استوى فهذا ليس مماسة لمخلوق كالعرش أبدا بل هذه الصفات كلها يثبتونها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ويثبتونها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم Le monothéisme des noms et des attributs d'Allah est très important, frère en Allah Azza wa Jalla. Faites que les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui suivent la voie de leur plusieur d'Allah alayhim, quand ils confirment l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne veut pas dire qu'ils font corps encore à Allah ou là comme quoi ils ont acculé Allah dans un endroit. A'oudou billah. Le fait qu'ils disent qu'Allah est établi sur son trône au-dessus de tout, cela ne veut pas dire qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala le toucher du trône comme le croient les Jahmis. Et comme le croient l'Ahbash et autres. Hein? Loin de là, frère en Allah, Azza wa Jal. Mais il confirme à Allah, subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, comme il sied à la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sans lui chercher de ressemblance et de similitude avec ses créatures. Il lui confirme ce que Allah, ce que lui-même s'est confirmé. Et ce que son prophète, alayhi salam, lui a confirmé. Hein? Sans rentrer dans le comment. Sans chercher des similitudes à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَعَلَّكَ أَخَ الْإِسْلَامِ تَلْتَقِي بِمُشْرِكٍ وَيَقُولُ لَكَ أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمِ أَمَا تَقُولُ أَنَّ لِلَّهِ يَذًا لَيْسَتْ كَيْدِينَ وَلَهُ وَجْهٌ لَيْسَ كَوْجُوهِنَا وَاسْتَوَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ فَلِمَاذَا تُجَادِلُنِي فيما أنسب إلى الله ولماذا لا تقول إن الله يلد لا كولادتنا ويولد لا كولادتنا ويتزوج لا كزواجنا Peut-être, dans ce genre de pays, tu risques de rencontrer un associateur. Tu dis, toi le musulman, tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs. Et tu dis qu'Allah, il a des mains qui ne sont pas comme nos mains, qui correspondent à la grandeur d'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une face, il a un visage qui correspond à sa grandeur. Et qu'il est élevé au-dessus de son trône, une élévation qui correspond à la grandeur et à la majesté d'Allah. Pourquoi dans ces cas-là, tu polémiques avec moi et que tu n'acceptes pas, tu ne dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été engendré, non pas comme les êtres humains sont engendrés, comme il s'y a à sa grandeur. Ou que Allah subhanahu wa ta'ala engendre, non pas comme engendre les humains, mais comme il sied à sa grandeur. Ou que Allah subhanahu wa ta'ala prend femme, non pas comme les humains le font, mais comme il sied à sa grandeur. Hein? فيقال لهؤلاء ولأمثالهم كفاكم تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا فالصفات التي نثبتها لله والأسماء التي نثبتها لله وجدناها مذكورة في كتاب الله وذكرها الله سبحانه وتعالى ووجدناها في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أما أنتم فتثبتون لله ضد ما أثبته الله عز وجل لنفسه وضد ما أتت به الأدلة الشرعية فالله وصف نفسه في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكيف تثبت لله ضد ما يثبته لنفسه وتقول إنها صفة تليق بالله عز وجل ليست كصفاتنا. فربنا يكذبكم ويقول أنه لم يلد ولم يولد. أن الله عز وجل la réplique des hommes de science à ce genre de futilité, ils disent à ces gens-là qui parlent ainsi, ça vous suffit. Hein? Ça vous suffit, ces mauvaises descriptions que vous faites d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est au-dessus de toutes ces descriptions que vous lui donnez et de ces attributs que vous lui attribuez. Et il leur dit, nous on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala les noms et les attributs qu'il s'est donné lui-même et qu'il lui a donné son messager alayhi salatu wassalam. Quant à vous, vous êtes en train d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le contraire de ce qu'il a confirmé dans sa législation, dans sa parole et dans l'authentique de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Allah s'est décrit à nous dans le Coran, il a dit Allah est unique. Allah il a besoin de personne et tout le monde a besoin de lui. Il n'a pas été engendré, il n'engendre pas, et il n'a pas d'équivalent, il n'a pas d'aide. Comment maintenant vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné? Et que vous dites, c'est un attribut qui convient à la grandeur d'Allah, et qui n'est pas comme notre attribut à nous. Allah Azza wa Jal lui-même rend non valide ce que vous dites et ce que vous prétendez. Il vous le plaque contre la figure. Il vous réplique dans sa parole, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Pourquoi lui reconnaître le contraire de ce qu'il s'est donné comme attribut? Wazid ala hada. Anna hada bin nisbati lil bashari naqsun. Man illadi yunjib. الذكر أم الأنثى؟ إن الرجل وهو مخلوق يستنكف أن يوصف بأنه يلد. Rajoute à tout ça aussi que ceci est une diminution à l'homme, parce que qui enfante, qui engendre, l'homme ou la femme? Et que si un homme tu lui dis, que tu engendres, ceci c'est pas un compliment. C'est plutôt une insulte pour l'être humain. فهل الولادة تعتبر نقصا ام صفة ممدوحة ام صفة كمال للرجال؟ فكيف ننسب هذا لله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا الذي لا نرضاه لرجالنا نرضاه لرب العباد عز وجل؟ Donc, le fait d'enfanter, pour un homme, c'est considéré comme un défaut, là, comme une qualité. Comment attribuer dans ces cas-là le fait d'engendrer l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala? Même pour nos hommes, on ne l'accepte pas. Comment l'accepter pour Allah? إذا قيل لأحدنا أنت حامل كم لك من شهر على الحمل يغضب أم يقبل؟ سيلك إلى إذا كان لا يخاف الله لعلك لا تسلم من لكماته. والعينين البيضايتان التي كانت ترى لعلها تصبح زرقاء. هذا تقول لرجل أنت حامل، هذه صفة الأنثى، لن يقبل منك أبدا. Et quand on dit à quelqu'un parmi nous, un homme, tu lui dis, toi tu es enceinte de combien de mois? Ton ventre là, que tu portes, c'est combien de mois? Quand est-ce que tu vas engendrer? Il va accepter ou il va se fâcher? Si il est gentil avec toi, il ne va rien dire, il va avoir une grimace sur le visage, il va mal le prendre, il va partir, il ne va peut-être pas te parler. Mais si tu le trouves qu'il a eu un problème à la maison ou quoi que ce soit, ou là un problème au travail, peut-être que tu vas partir avec les deux yeux au beurre noir. Tu vas t'en souvenir de lui avoir dit, attribuer ce défaut. Parce que c'est une qualité pour les femmes. C'est la nature de la femme. Mais c'est un défaut si tu dis à un homme, tu vas enfanter. والله عز وجل يعاتب من وصف ملائكته بأنهم إناث، حيث لا يرتضون لأنفسهم أن يرزقوا بالإناث. المشركون كانوا يصفون أن الملائكة إناث، وهم لا يرضون أن يرزقوا بالإناث. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، مع أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومع ذلك وصفوا الملائكة بأنها بنات الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون. الله عز وجل أبلامي ceux qui ont dit créer, qui ont dit que les anges ce sont des femelles. Et ceux qui l'ont dit parmi les associateurs, hein, qui avaient des problèmes avec le prophète, avec lequel le prophète avait des problèmes, n'acceptaient pas. C'était un malheur pour eux. Il y a un déshonneur que quand on leur annonce qu'ils ont une petite fille à la naissance. C'était un déshonneur pour eux. Hein? Ils disent des anges que ce sont les filles d'Allah. Et que ce sont des filles. Hein? Et le verset nous dit, ils ont fait que les anges, qui sont des serviteurs du Clément, ils ont fait d'eux des femelles. Hein? Alors, ils ont décrit les anges comme quoi c'est des femelles, alors que eux, quand on leur annonce la naissance d'une fille, c'est le déshonneur pour eux, ils ne savent plus, ils se cachent, ils se faufilent, ils ne veulent pas. Hein? Son visage est noir, il a tout le malheur de la terre. Quand on lui annonce la fille, à l'époque, hein, les associateurs n'acceptaient pas. C'était un déshonneur pour eux. Hein. Et ils ont décrit comme quoi les anges sont les filles d'Allah. A'oudou billah. Alors qu'eux, ils n'aiment pas quand on leur annonce. Regardez jusqu'où ça va. Chose qu'ils n'aiment pas pour eux-mêmes, ils l'attribuent à Allah Azza wa Jal. Donc de là, tu comprends quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit l'associationnisme est une grande injustice. Alors, il en est ainsi. ثم هذا الإله الذي يمر من فرج امرأة ويتلطخ بالدماء ويخرج وقد أحاطت به النجاسة من كل جانب، هذا إله يعبد يا عباد الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إله يعيش في ظلمات الرحم وظلمات البطن وظلمات المشيمة 9 أشهر، هذا إله ويخرج بعد ذلك من فرج المرأة، هذا إله تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. فأنا الله عز وجل il se prétendit Dieu qui passe par le vagin d'une femme qui se mélange à l'impureté et au son des lechis, et qui sort d'un lieu où il était mélangé avec les impuretés de tous les côtés. Est-ce que ça, c'est une divinité qui s'adore? Hein? Il vit 9 mois dans les ténèbres des matrices de la femme, et dans les ténèbres du ventre, et dans les ténèbres du placenta, et au bout de 9 mois, il sort. Est-ce que ça, c'est une divinité qui mérite l'adoration? Hein? Allah est élevé au-dessus de toutes les descriptions qu'en font les gens justes. ومن هنا يتبين لك أخ الإسلام الارتباط الواضح الجلي بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية. فالله المعبود بحق وحده إنما هو الإله الموصوف بصفات الكمال وبصفات الجلال. De la partant de la frère en Allah عز وجل t'apparaît clairement le lien qu'il y a entre le monothéisme de l'adoration et le monothéisme des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Parce que le sovereign qui s'est attribué les nobles noms et les sublimes noms et les attributs les plus parfaits, c'est celui-là qui mérite l'adoration. Hein? Et rappelle-toi, frère en Allah Azza wa Jal, pour l'anecdote, un des rois d'Égypte un jour invita un savant musulman qui était de passage en Égypte. Et ce roi était sur la religion chrétienne. Et dans l'assemblée, debout, il y avait des curés qui étaient debout. Et donc, le savant est rentré sans s'incliner, sans faire les inclinaisons que faisait tout le monde quand il arrivait devant ce roi. Il s'est assis. Les curés ont essayé de allumer une brèche entre lui et le roi qui l'a invité. Par la sagesse et par la science qu'il a, il a éteint cette brèche. Et tout d'un coup, il se tourne vers les curés, il dit, « Comment allez-vous? Comment vont la femme et les enfants ?» Après, le roi lui dit, « Mais tu sais pas que ceux-là, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants ?» Il lui dit, « Subhanallah, comment ceux-là, vous dites d'eux qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils ne prennent pas femme, et vous attribuez la femme et l'enfant à Allah ?» Enfin, vous voyez un petit peu l'associationnisme jusqu'où il amène. فالله عز وجل سميع وأنت أيها المخلوق سميع ولكن هل سمعك كسمع الله الله بصير وأنت كذلك أخ الإسلام البصير ولكن هل بصرك كبصر الله عز وجل فالله عز وجل وهبك سمعا ووهبك بصرا ولا شك أن هذا من صفات الكمال فعندما يوصف الإنسان بأنه ضرير أو بأنه أصم تكون هذه صفة من صفات النقص والله عز وجل منزه عن النقائص ومنزه عن العيوب فأنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il entend et toi aussi qui est la créature de Allah سبحانه وتعالى tu entends mais est-ce que ton oui correspond il est équivalent à lui d'Allah Allah سبحانه وتعالى voit toi aussi la créature de Allah سبحانه وتعالى et toutes les créatures Allah subhanahu wa ta'ala, il les a dotés de la vue, il voit. Il voit. Mais est-ce que la vue d'Allah, elle est comme la vue de la créature? Et il est évident que lui et la vue font partie des grandes qualités. Parce que quand on décrit quelqu'un qu'il est aveugle, tu dis quelqu'un qu'il est aveugle, là qu'il n'entend pas, qu'il est sourd, c'est une qualité ou un défaut? Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des défauts. Il est exempt de tout défaut, de toute lacune. Il n'y a pas de diminution. Il ne faut pas penser à une diminution dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala correspondent à la majesté d'Allah azza wa jal. فَقَوْلُنَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَنَزَّى عَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِسِ فالله عز وجل سميع وصفة السمع تليق بعظمته والله بصير وصفة البصر تليق بعظمته وجلاله وهكذا قس على هذا كل أسماء الله وكل صفات الله التي أتت في كتاب الله وفي صحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام Donc quand on dit Subhanallah, frère en Allah عز وجل, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempte de tout défaut et de toute lacune. Et qu'il est le summum du parfait. Et qu'il est parfait dans le sens large du terme. Il est complet dans tout. Un complet qui n'a ni début ni de fin. Et quand tu entends l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et son attribut qu'il est entendant qu'il a lui, cela, lui d'Allah subhanahu wa ta'ala, correspond à la grandeur et à la majesté d'Allah. Et quand tu as l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la vue correspond à la grandeur d'Allah et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait l'analogie de tous les noms et de tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi. Tous les noms que tu te retrouves dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, tu dois les ramener à ça. Comme quoi ils correspondent à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut pas capter. Aussi impossible de capter. Et tu ramènes toujours, quand il y a Shaitan qui vient te dicter quoi que ce soit, rappelle-toi de la règle qu'Allah il t'a donnée dans le Coran. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Wa ahlus sunnati wal jama'a. كما يكرره علماء هذه الأمة يثبتون الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا فأنت إذا قيل لك الله سميع بصير كما في الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل سميع وفي نفس الوقت ليس كمثله شيء إذن تقول أثبت أن الله يسمع لا كسمعنا وسمع يليق بجلاله وعظمته وتثبت أن الله يبصر لا كبصرنا لا كما نبصر نحن وترد كل شيء ليس كمثله شيء فتستريح وتريح من معك فبصر الله يليق بعظمته وجلاله وسمع الله يليق بعظمته وجلاله وبصري وبصرك يا عبد الله وسمعي وسمعك يا عبد الله يليق بضعفنا وعجزنا وفقرنا فهذا الفيصل في هذه المسألة donc les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna comme le répètent les hommes de science confirment à Allah Azza wa Jal les noms et les attributs en réalité il dit pour pas l'essence mais en réalité quand on te dit que Allah subhanahu wa ta'ala il entend et il voit comme il est dans le verset, dis-toi bien en face de toi, rien ne lui ressemble. Et il entend, il voit, tu confirmes. Et avec la règle qu'Allah t'a donnée, rien ne lui ressemble. Et il entend, et il voit. Nous devons confirmer. Lui, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout en confirmant, on a vu Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi on voit et on entend. Mais la vue d'Allah... Et lui d'Allah correspond à la grandeur d'Allah. Ma vue et ta vue correspondent à notre faiblesse et à notre incapacité. Hein? Et ça, c'est le point de séparation et le point de maîtrise de cette situation. De revenir toujours sur la règle. Rien ne lui ressemble. Et on lui confirme tout ce qu'il s'est donné. Amma alladhina yaqulun nuthbitu lillahi sam'an wa basaran wa ilman دون أن نتدخل في المعاني أي نفوض معنى البصر ومعنى السمع يقول لهم أهل العلم المعاني تثبت لله وإنما الذي لا يتدخل فيه وليس للإنسان أن يتدخل فيه هو كيفية الصفات فقط quant à ceux qui se sont égarés dans ce sens là qui disent on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala la vue, et lui, et la science, mais on ne s'immisce pas, on ne sait pas, on délègue le sens de ces mots. On délègue le sens des mots à Allah. Il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait ce que ça veut dire Samir, qui sait ce que ça veut dire Alim. Cela, les hommes de science leur disent, là, nous devons confirmer à Allah ce qu'il s'est attribué dans le Coran, et ce que lui a attribué Muhammad, mais ce que nous devons déléguer, c'est le comment de ses attributs. Comment il est lui d'Allah? Ça, personne ne peut le comprendre. Et en agissant ainsi, comme si on est en train de dire cela, comme s'ils sont en train de dire qu'Allah a parlé aux gens avec un langage qu'ils ne comprennent pas. Il s'est adressé à eux avec une langue qu'ils ne comprennent pas. Et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne comprenait pas. Et ça, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a transmis des choses qu'il ne comprenait pas. Et que les compagnons ont fait de même. Et c'est une situation qui est très dangereuse. Et beaucoup, parmi les grands leaders des groupes qui gèrent maintenant la communauté, sont tombés dans cette erreur. Et ils disent qu'il faut déléguer le sens. Mais ce qu'il faut déléguer, frère en Allah, c'est le comment des attributs, et non pas le sens. As-sam'a. Ça veut dire lui en arabe, c'est ce que tu dois confirmer tout de suite. Al-Basar, ça veut dire la vue en arabe, c'est ce que tu dois confirmer. ولذا أهل السنة لم يقولوا بأن أسماء الله وصفاته غير معلومة، ولكن قالوا هي معلومة ولكن الكيف غير معقول ومجهول. Et c'est pour ça que les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, ils n'ont pas dit que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne connaît pas leur sens, mais ils ont dit le sens des noms et des attributs, il est connu. Mais ce qui n'est pas connu des humains, c'est le comment des noms et des attributs. Comment c'est cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il n'est pas donné aux personnes de le connaître. وعندما قال أهل العلم الكيف مجهول يعني أنه مجهول في حق البشر، أي أنك أنت وأنا لا ندري كيف استواء الله ولا كيف سمع الله ولا يمكننا أن ندركه. أما صفات الله عز وجل لا شك أن لها كيف، لكن هذا الكيف من يعلمه؟ لا يعلمه إلا رب العباد، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Quand les hommes de science disent que le comment des attributs il est ignoré des humains, il est ignoré de qui? Pour nous. Nous on l'ignore. Les humains l'ignorent. Moi et toi, on ne pourra pas savoir le comment des attributs et des noms d'Allah Azza wa Jal. Mais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute, ils ont un sens. Mais qui connaît ce sens? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le connaît. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Mais quant aux humains, le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent tout simplement la signification et la définition qui est donnée dans la langue arabe. Point. فعندما يرزقنا الله سبحانه وتعالى رؤيته نسأل الله ذلك عندها يمكن أن نعرف شيئا عن صفات الله عز وجل التي هي خافية علينا الآن. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous combler de ce grand bienfait, j'espère qu'on y sera, on sera parmi ceux qui vont être comblés de ce bienfait, qui est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces cas-là, on va connaître certains attributs d'Allah. On va les connaître. Certaines choses que nous ne connaissons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, ils vont être une réalité. Nous allons les voir. Mais pas maintenant. Si on est comblé par ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on meurt sur cette religion et on se conforme dans notre application de cette religion à, au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi wa sallam, selon la voie et la compréhension de nos puissants d'Allah alayhi, inshallah, nous allons être comblés par ce grand bienfait qui est le fait de jeter un regard sur Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل يمكن المؤمنين من لذة النظر إليه يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à ses croyants, il va leur donner le plaisir de le regarder le jour de la résurrection. Il est dit dans le verset: le jour ou des jours embellis vont avoir la vue d'Allah. Ils seront, leurs visages vont être embellis et en même temps ils vont avoir ce grand bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala qui est le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarana bidhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a annoncé aussi. Falladhina sa يرون ربهم لا يستطيعون أن يحيطوا به من كل الجهات أخ الإسلام مع ذلك. Ceux qui vont voir Allah Azza wa Jal, ils ne peuvent pas le cerner de tous les côtés. Ils vont avoir la vue, mais ils ne peuvent pas le cerner. ولا يحيطون به علما. Ils ne peuvent pas, leur savoir ne va pas, hein, le connaître en entier. Ils ne vont pas avoir le savoir complet sur Allah Azza wa Jal. لا تدركه الأبصار. Les vues ne vont pas le capter et le cerner. Ne vont pas le cerner. حتى وإن رأته الأبصار لا تستطيع أن تدركه إدراكا كاملا لأن الإدراك معناه في اللغة الإحاطة. Même si les vues, si la vue va être accomplie pour les croyants, ils ne peuvent pas le cerner complètement avec leur vue. Car l'idrak, ça veut dire cerner, c'est quelque chose de plus que la vue. Et ceci, l'idrak, personne ne l'aura. La tudrikuhu al-absar. ولله المثل الأعلى عندما ترى محبوبا تحبه كثيرا شخص يحب شخصا كثيرا لعله من شدة محبته لذلك الشخص وتعظيمه كما يقول الناس لا يستطيع أن يملأ عينيه منه. Et voici un exemple, et on ne fait pas des exemples à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus grands et les plus sublimes et les plus élevés des exemples. Simplement, quelqu'un aime quelqu'un d'un amour avec respect, etc. D'une énorme considération. Comme disent les gens, à tel point qu'il l'aime tellement qu'il ne remplit pas, qu'il ne l'usute pas complètement, qu'il ne le regarde pas comme il veut. Par respect de la personne, il n'arrive pas à remplir son esprit de l'image de cette personne. Quand les sahaba ridwanullah alayhim, عندما يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بشر صلوات ربي وسلامه عليه يقولون ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكمبانيون دو محمد عليه الصلاة والسلام quand il décrivait le prophète عليه الصلاة والسلام alors que c'est un être humain عليه الصلاة والسلام il disait on ne pouvait pas remplir nos yeux comme on le voulait du prophète عليه الصلاة والسلام هذا في حقي المخلوق فما بالك بحق الخالق ça concerne juste un être humain qu'est-ce qu'il en est du créateur de l'être humain فكيف بالخالق عز وجل حتى وان مكن الله سبحانه وتعالى النظر اليه يوم القيامه فانه ينطبق عليه قوله عز وجل لا تدركه الابصار même si Allah سبحانه وتعالى donne la possibilité et va donner ce plaisir à ses croyants de le voir le jour de la résurrection ils ne peuvent pas remplir leurs yeux. Ils ne peuvent pas remplir leurs yeux. D'Allah Azza wa Jal. Wa al-maqsoud, ikhwati al-islam, anna al-ru'yata hiya doun al-idrak. Wa anna al-idrak a'ammu min al-ru'ya. Et ce qu'il faut tenir, c'est que cerner, c'est autre chose de plus que de voir. La vue va s'accomplir pour les croyants, les gens. Cerner, non. وقد أجاب أهل السنة والجماعة على أهل البدع بهذه الإجابة عندما استدل هؤلاء المبتدعة بالآية الكريمة لا تدركه الأبصار بأن الله لا يمكن أن يرى. Et les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna qui suivent la voie de leur plusieurs doit Allah alayhim ont répliqué aux gens de l'innovation avec cette réponse, avec cette réplique. Les gens de l'innovation ont pris le verset « La tudrikuhu al-absar » les vues ne vont pas le cerner. Ils disent « Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas être vu le jour de la résurrection. Il ne sera pas vu. » Ainsi on dit les gens de l'innovation. « Faqala lahum ahlu sunna akhta'tum fi fahmi al-Qur'an. Fallahu azza wa jal yasifu lana mawqifa tara'i qawmi Musa wa qawmi Fir'aun. Faqala ashabu Musa inna lamudrakoon. » قال عز وجل فلما تراءى الجمعان إذن حصلت الرؤيا قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلم يحصل الإدراك والرؤية حصلت ولم يحصل الإدراك إذن فالإدراك أعم من الرؤيا والرؤيا أخص من الإدراك فقد ترى ولا تستطيع أن تدرك فأنا الله عز وجل. Les gens de la Sunna ont répliqué à ces gens-là qui disent que Allah ne sera pas vu parce qu'ils se sont basés sur le verset « Les vues ne vont pas le cerner ». Ils ont dit, les hommes de la Sunna leur ont dit « Vous êtes tombés dans l'erreur, dans la compréhension de la parole d'Allah ». Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette situation dans le Coran. Au moment où il y a Pharaon et son armée qui suivaient Moussa et son peuple. Et les gens de Moussa se sont tournés, ils ont dit à Moussa, nous sommes cernés. À quel moment ils ont dit ça? Falamma tara al-jam'an, quand les deux parties se sont vues. Donc il y a eu vue, mais il n'y avait pas eu cernement. Moussa leur a dit non! إن معي ربي الله تافيك موا. Donc, la vue a eu lieu, mais le cernement n'a pas eu lieu. Car le cerner une chose est beaucoup plus général que le fait de le voir. Et le voir, c'est beaucoup plus particulier que de le cerner. Hein? Peut-être tu peux voir sans cerner. Et tu peux cerner sans avoir là une vue de détail. Une vue de détail dans laquelle tu vas tout reconnaître, tu ne pourras pas la voir avec le cernement. Non, avec la vue, tu ne peux pas complètement cerner. Ça va, il va rester des choses qui sont floues. Hein? Mais le cernement, c'est si tu cernes la chose dans tous les détails. C'est le contraire. فالله عز وجل يرى يوم القيامة يراه المؤمنون ويحجب عنه الظالمون الكافرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من هذا المصير. الله سبحانه وتعالى sera vu le jour de la résurrection par les croyants. Il y aura les mécréants et les injustes et les associateurs vont être. Il y a un voile qui va être jeté sur eux, ils ne pourront pas. Ils vont être voilés. Ils ne pourront pas. Il est dit dans le verset, ils vont être mis de côté et voient un voile sera jeté sur eux. Ils seront épargnés de la vue. Ils ne verront pas Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui le verront le jour de la résurrection. فالله عز وجل الذي نعبده إخوة الإسلام موصوف بصفات الكمال والجمال منزه عن النقائص والعيوب فاعرف الله حق المعرفة تعبد الله لأنك إذا عرفته أقررت له بالعبودية وإذا عرفته أدعنت له وقبلت عنه ولذلك قال الله عن المشركين ما قدر الله حق قدره. Allah Azza wa Jal, frère en Allah Azza wa Jal, que nous adorons, s'est donné des attributs. Hein? Le prophète alayhi salatu wasalam lui a attribué des attributs, et ces attributs sont parfaits. Sont au summum de parfaits. Il n'y a aucun défaut dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que la beauté. Hein? Et le fait que ces attributs soient parfaits au sens large du terme. Et beau au sens large du terme. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout défaut et de toute diminution. C'est pour ça les hommes de science disent connais Allah comme il se doit, tu adoreras Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Connais Allah comme il se doit, tu l'adoreras comme il se doit. Car si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, tu vas lui réserver le culte comme il se doit. Et quand tu vas le connaître comme il se doit, tu vas te soumettre à lui et tu vas accepter ses ordres. Même si tu n'es pas capable de les mettre en application, au moins tu ne vas pas ramener des expressions d'opposition. Mais oui, mais les temps ont changé, etc. Tu vas accepter. Même si tu n'arrives pas à les mettre en application, tu vas accepter. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit des associateurs, ils n'ont pas estimé Allah comme il s'y est à sa grandeur. Les associateurs, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi, ils n'ont pas estimé Allah comme il sait à sa grandeur et à sa majesté. فالمشرك لماذا يشرك لو عرف الله لما أشرك لكنه لا يعرف الله بل قد يصف الله بما يعيبه سبحانه وتعالى كما مر معنا يصف أحد ربه بأنه يمر من فرج امرأة فهذا عرف الله أم أهان الله هذا سب الله عز وجل. L'associateur, frère en Allah, pourquoi il associe Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi il tombe dans l'associationnisme? S'il avait réellement connu Allah, il ne tomberait pas dans l'associationnisme. Il ne ferait pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne des attributs qui sont diminutifs à Allah azza wa jal. Tant pas mieux. Hein? Dans l'humanité, on donnait l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il sort du vagin d'une femme, comme quoi il est engendré. Hein? Est-ce que ceux-là maintenant reconnaissent les sublimes noms et les plus beaux attributs à Allah subhanahu wa ta'ala ou là hein? Ils avilissent Allah, ils le rabaissent. Pourquoi ils sont tombés dans ça? Parce qu'ils ne le connaissaient pas comme il se doit. Azza wa Jal. ولذلكم الحديث في صحيح البخاري رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. فهم يسبونه ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. واحد يقول بأن الله مر من فرج امرأة، مر بالنجاسة واختلط بالدماء المتنجسة، والله سبحانه وتعالى يرزقه ويعافيه. فما أصبر الله عز وجل، فما أحد صبر على أذى مثل صبر الله سبحانه وتعالى على أذى المشركين. Donc c'est pour ça qu'il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ce hadith authentique où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne qui a eu plus de patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur le mal qui contente les gens. Il n'y a personne qui a pu patienter comme Allah subhanahu wa ta'ala a patienté. Il a dit: ils insultent Allah, ils prétendent à Allah l'enfant, et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la subsistance, les guérit, leur facilite leur vie. Hein? Quelqu'un parmi eux dit: Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi? Hein? Que ce Jésus qui est sorti, Isa alayhi salatu wasalam, qui est né, hein, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de lui que c'est Allah, que c'est un Dieu. Hein? Que c'est une insulte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire qu'il est sorti du vagin d'une femme, il est sorti entre les impuretés du sang et du matrice et du placenta. Hein? C'est pas une élévation à Allah subhanahu wa ta'ala, une glorification, une vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rabaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend ça d'eux et il les comble avec ses bienfaits. Il leur donne la subsistance. Il les guérit quand ils tombent malades, etc. مثلا خذ انت الان مثلا لو احد شتم اباك ستكرمه ام ستهينه ام ستضربه ها فضلا عن ان يشتمك انت pour maintenant par exemple quelqu'un maintenant il t'insulte toi il insulte ton père tu vas l'honorer ha tu vas lui servir le café si tu le fracasses pas en deux si tu te tais c'est déjà un grand bienfait min Allah azza wa jalla que tu te tais et tu passes. Avant que toi, tu ne t'emportes et que, hein, sors de ta bouche pire que lui. Hein? Déjà ça. Regarde cette situation. Quelqu'un insulte ton père ou ta mère, comment tu réagis? Enfin, ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. Personne qui a enduré, hein, du mal qu'il entend qu'Allah Azza wa Jalla qui a patienté. Il lui attribue l'enfant. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la subsistance, leur facilite leur vie, les guérit quand ils tombent malades. Fallah subhanahu wa ta'ala fardun fi datih, fardun fi asma'ih, fardun fi sifatih, laysa kamithlihi shay. في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء فرض صمد في كل هذه الأمور. فإن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il est unique dans son être, il est unique au niveau de ses noms et de ses attributs, rien ne lui ressemble, il est unique dans sa souveraineté, il est unique dans sa ألوهية. C'est à lui seul que nous devons réserver le culte. Hein? Rien ne lui ressemble. Tout le monde a besoin de lui. Et lui n'a besoin de personne. فعرفنا الآن الخطأ الشائع أين الله لا ينبغي أن تقع في هذا الخطأ أخ الإسلام لا تقول الله في كل مكان أو الله ليس له مكان أو الله في قلب المؤمنين. Nous avons connu maintenant la troisième erreur dans laquelle tombent nos contemporains. C'est que cette erreur, elle est dans quoi? Dans où il est Allah. Hein? Donc il ne faut pas tomber dans cette erreur. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Il est partout avec quoi? Il est au-dessus de son trône, mais il est partout, il te voit. Partout avec sa science. Hein? Il sait tout ce qui se passe, mais il est élevé au-dessus de tout. Il n'est pas mélangé aux êtres sur terre. Il n'est pas dans le cœur des croyants, non plus. Pas un bout de chair de 200 grammes qui va contenir Allah Azza wa Jal. C'est impossible. Hein? Quand on voit l'univers comment il est, qu'on n'arrive même pas à le capter, hein? Il a des anges dont la description, dont Rasulullah a reçu l'ordre de nous en faire la description, comment sa grandeur, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être dans le cœur de croyants. Hein? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du croyant, oui. La vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du croyant, oui. Avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais Allah dans le cœur du croyant, non. Impossible. Il faut s'éloigner de ça. وبعضهم يهرب ويحيد حيدا تقول لا أين الله يقول موجود فيقول له أهل العلم وقعت فيما فررت منه أخ الإسلام فإن كلمة موجود هي كذلك صفة فأنت تفر من وصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به الرسول لتأتي بكلمة جديدة وهي كلمة موجود مع أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور: وجود الله، إيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهية الله. وفي لغة العرب كل موجود يعني لا بد له من موجد، فلا يمكن لشيء موجود أن يوجد نفسه بنفسه. فهذا الذي يقول تقول لا أين الله يقول لك الله موجود قد وقع فيما فر منه فوصف بأن الله موجود أين شيئا أوجد الله قبل أن لم يكن وهو يظن أنه ينزه الله وفي الحقيقة شبه الله بالموجودات فلا فرار من هذه المسألة إلا بإثبات عقيدة السلف رضوان الله عليهم الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. Donc certains va esquiver quand il comme le footballeur, il va esquiver quand il lui pose la question où il est Allah, il va croire qu'il est sauvé. Tu dis Allah il existe. Oui Allah il existe. Fait partie du point essentiel dans le fait de croire en Allah, c'est-à-dire de croire en l'existence d'Allah, comme de croire en la souveraineté d'Allah, et comme quoi le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là n'est pas le hic. Le hic, quand tu lui poses la question où il est Allah, il te dit Allah existe. Et cette phrase existe, c'est un attribut aussi. Et là, il s'est sauvé d'une chose pour tomber dans une autre chose. Parce que dans la langue des Arabes, mawjoud, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. Mais cette chose qui existe, il faut bien que quelqu'un l'ait fait exister. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait exister. Il ne peut pas exister d'elle-même. Il ne peut pas exister d'elle-même. Donc nous ne pouvons rien faire au niveau de nos croyances que de nous cramponner à la voie que nous a tracée Mohammed alayhi salam et sur laquelle étaient les plus aïeux, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم جعلني وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خير